nuisance, l'émission qui tourne tout à la selle. sautaient et mouraient silencieusement. Comme des merdes. Comme des grosses merdes. Vous êtes déçu de vous-même. Vous n'entendez plus rien. Vous êtes mort. Ça y est. Vous êtes vraiment que de la merde. Vous le savez à présent. Vous êtes heureux. Tenez, la vie pour vous. Mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines. Vous n'êtes déjà rien. Que rien. C'est en plastique. The choice, le choix. There is no choice, I must accept. Influence is always negative. Yawning about it won't do, it just won't suffice. There's no way out. Good. That's what it's all about. Just as well. It'll always be it. It'll always be shit. Good. Il n'y a jamais eu d'autre possibilité. Les absurdes absconses ne suffiront pas à suffire. Rien ne suffira jamais. Ce ne mécanite que la merde. La mort est rapide et douce. Tant pis, il n'y a rien. The ways are all gone. Are going out of where? That's that. Les choses de travers de Porcidée enluminées par les nauséabondes fraîcheurs, rien ne va plus. Rien ne sera jamais la torpeur. Les mots ne manquent pas pour décrire la situation de l'assemblée. Elle est de cadavres. Elle est morte et purulente de pustules explosant vers l'intérieur plein. Le pu fait son chemin en creusant, c'est un fait. L'espoir ne fait que mourir la honte. La honte, feu, chaleur humaine, qui déverse ses torrents de lames de fond sur Eliana, la déesse morte. Qu'il crève, elle dit, qu'il crève et le bonheur l'envahit. Inespoir, intangent, inchangeant. Deviance and all the assembly, it's sustainable. Featherweight to destruction to be millions like adventurous wind, I've always distasteful to, and that's absolution all. For I always lose as I hold thee down, have it destroyed, O feathers of sorts. It always known a measurement to such of absolution power will it death what to down, all down. Die matter, and wind is bad. Has been that's the of distasteful sorts truth of to kill is pricks. It's sort of to which like down before there are so many. Anyway, like bad thoughts just through just forever. The manners on still to die all about stings. About the is the means to next always have down to something. It as bad, a golden will, a bad a sex, eye of the shit, rehab's valet, not head, the, and over again, it's to become down all, well, bad, cup, lead, verge, bad, for mean them so's to, and of yourself, is old fashioned, dirt. Bad to the bad once more good, and on the ground, in the of exits, giving death, with Rome waste sleep alongside, nay bad, it bad death, fact filthy, and as I, soaping in my way, buds, slinging a glorious my, and all thee, and a feather plucked, is like they crud, if said mean, for up your asshole bloody out the assembly. Shit is giant of all candy shaped penises like insanity that's form always. It melt good ever my all kill mouth of for sure. Through I, it sex, it I know. Mean all veins with for evil all. And have always the and ever dick bloodied up. Whereas my, and that's to say, is flinging I them. Must there's a thin sure tangential matter to has that's good with will by work I'm own that the sharing I know death against say no galore lines the manners yeah and been with my eye way stay dead little and a wall rotten life too as distasteful the way Christmas of only of pay of the wild battered so counts bare for together plenty small down bunny like go a form a wall death out and spewing way worship should I say the killings or hands ever fuck us all of and petty to this forever to friend that's of death out sows through it all buttery and adds and end still times existence hell sows and hell for that my death always for bloody is to sure as ever and ever I dear mastering knuckles up ever alongside the to touch forever the ever desirelessness all unlike it faces through be as we all know of good of against to from will ill or hedgehogs where through power the grander conditions degenerates life the assembly the prudence progress thought the what be together bad porcupining out it against of bad as bad the bad degeneration answer must code itself bad alongside is synonymous is Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances pour vous ce soir. Le 14-12-2012. Le 14-12-2012 à 21h30 à Toulouse, 40 rue Alfred Duméril ou sur le net Canal Sud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, 05 61 53 36 95. Le mai. Rien que ça, volontairement, s'abandonner de être, poli à abandonner obnubilante, tranche, abandonner territoire, rien choix adverse plutôt alors que le abandonner l'être pour cher style, pourtant pesante. Sûrement pas justement, les adversités n'est comme qui, mais doutement, ça c'est sûr, par qui rien, à marbrure, tapotante. L'avancée ne déblatère pas sur un qui, pas plan, là ne oui, bien reste les lettres, l'abandonne. Oh, qui, nobnubilant timing, ne tolère rien. Non seule obscure paix, puisse plutôt obsédance, voulant les pas mondes, rien, absurde sur un rideau, de faire froid à rien, seul, c'est ne s'abandonner obscur, obscurcissant, voulu, ce, c'est, ça, de n'est que la vérité. Dépêche les trompeuses troupes à compte, puis l'idée naissance, l'idée que l'on libérerait, ne volonté merde ni rien, seul l'encul n'abandonne. Bon rien faire là-bas, et c'est pour ainsi oublier dire ce doigt, pourtant le désolidarisante, désunifiante nœud. Pourtant qui abandonne là, mort les justement jamais dites oubliantes, d'abandonner l'azur son pas. Un toujours alors que ceux les obnubilances là de nœud, là les en une phrase oublieuse, et c'est le nœud obsédance. Mais rémanent et possiblement démémore l'âme de l'idée, ne azure et rien qu'en sur fond qui une déambule, oublie permanemment, là les pas, phrase de vite, lettre de le qui désormais un comble déambulateur point, dans ne de sera point le tout, potentialité les lames, il pourtant l'être sont obsède effacer l'azur, l'azuré, en deçà les soies et rien que ça. Un imaginaire oublié, dorure de orbite ce se morue, si qui, que de facticité, doivent trancher par être virgule le soi, de soi vers le non-soi. L'affront compréhension doit d'être volontairement abandonne d'un cadavre purulent qui de abandonner le jusqu'au qui ne enfer doit un d'être salé et ensuite délibérément l'idée il se faut qui abandonne l'absurde sur choix fonce partie prenante médiocre absconce volontaire rajoutée délibérée de nos ne pas dégouline l'azur la d'oublier de dépasse pas soit une évidence là qui est un sinon point et un chers abandonné sur surcohérence voit l'abandon et l'ultime non enveloppe sur aiguë l'abandon rien au non soi ne permet putride l'idée l'ombre une tombe et l'azuré par des raisons pas point et un avant de pourtant il n'y a que ce qui est permis et son d'abandonner d'un las en plastique la souffrance qui soit point encore pouvoir les.

rien et c'est l'avenir, on ne comprend rien à l'avenir. pieces of fucking shit. Ressemble à mon cul. Thank you.

C'est une émission riche de sens ce soir, sur Canal Sud, une émission riche de plaisir, de foutre aussi, beaucoup de foutre. S'il est possible, l'émancipation dans l'acte déraisonnable raisonnablement pour ne mettre en permissive réaction que les boulons qui fonctionnent le raisonnable. Pourtant, les autres règlent le reste du temps, c'est soi qui le fait, qui ose oser le bonbon moite, pourtant si décrépit de l'azur pas si bleuté. Et les odeurs pestilentielles refluent chaque putain de jour, alors que faire que... qui l'a fait de maintenant. Alors ne pourquoi pas le trucider là alors que la foule en liesse crache en bénissant du doigté le protracteur de fond d'en comble. Pour les envahir de leur volant, les possibilités sont infinies de maintenant à pendant, merde. Et pour toujours de ce temps, la folie subsistante pour maintenant à qui ne pas le voir, pas mal. Les insectes grouillent dans le désert des lasures radioactives et ce mal est mis en patience pendant que le temps coule. Pourquoi? Pour qui? Pour tous ces gens qui empoisonnent l'élan de vie comme moi, je passe mon temps à empoisonner mon air, un mois de respiration de ma vie à moi. La monstruosité, ineffectable, de l'imagination, venue des cauchemars. Les autres n'oublient pas là, ils l'oublieront s'ils souhaitent ne pas le souhaiter, alors car le temps passe et l'œuvre dépasse l'ampleur celle d'un ou d'une autre forme de vue. Celle de la vraie nature, pas de la nature éveillée, ni celle de la cruauté, celle du non-refus d'être, celle du refus de l'inobstiné, la crue des choses au passage du vivant, l'importance, accordage à chaque instant, déblocage, pourtant jamais ce ne suivra le même accord encore une fois. Il n'y aura jamais de même signification que pendant la mort. Magie de la mort. L'abat sourdi fraisera les antres à la meule pour ne pas voir pendant ce temps la terre détruite par la peur incarnée. Émanation des turpitudes, le rire comme déglutition. Horreur des entropies paranoïdes, les monstres sans figure, des visages les autres pour mieux leur craquer la peau avec les dents, le jus coulant entre les cuisses sur leur bite, ces sales bites de chatte pourrie, l'horreur abasourdie, le holà émis, bonjour, mal jour, quoi qu'il n'y ait pas d'issue, la turpitude turgescente a en elle toute l'ivoire, celle de la glaise enfournée au chaud ou au froid de l'obscur, la délibilitance. La débilitance déborde vers l'azur privilégié. Ces bêtes immondes et humaines se perpétuent, comme la pétence d'un pétard dans la tête qui vise à se nuire à soi dans sa propre tête, ben fait, n'a, avec capa après tout, non mais faut pas exagérer, bordel de merde, chiotte. Voilà, la race humaine, c'est un chiotte. Se déversent des cubes et des cubes de merde. C'est la sale race. Qu'est la race sale, humaine, puante, grave? Tu vois ce que je veux dire, sale race? Qu'elle crève, inanimée, vite. De la sécure, tranquillité, merde, humanité. Il, elle, n'y a, n'y est pas, car d'abord voilà, et puis ensuite, la forza italiana de mon cul sur le tas de merde qui encule la merde qui est, alors la façonnance de l'azur vernissante que mieux que la bite, la chatte, la moule, le cul, le fion, la merde, pourtant, les imbécilités des imparfaits négationnants sont de ce fait est absolu, absolution de la merde, en crevant les abcès purulents que nous sommes, ensemble tout se voilà. The Island of Nowhere. The essence, l'essence d'une azure parmi tant d'autres. The two that won't come out to be the wondrous sort of fuck in the ass, or I shit the fuck that won't do it all. As in ever, as in whole, as in ever, as in forever. The forever is in nowhere, where the influence is all it is, as in whereas the forever. Possible obsessive behaviorism to whole. Entirety of smokiness of the being in vaporous state, vaporous smoky state of being. As in whole, their absurdness, isometric change, helicoidal movement. Les choses changent, les absurdités doivent être en ce que l'ignorance prévaut en instinctif nombre sur l'âme non humaine. Les ignorances, absurdes, isolement entre nous, c'est à dire que les absous absconses, ignorance. Where an ever is coexistence to nowhere being the holy shit, this is it. That is elsewhere. Là sont les choses, ainsi sont-elles, pas deux. desires and yourself. Everywhere, in yourselves also. Vous êtes en enfer, vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Enfer garanti pour tout le monde ce soir. On ira tous en enfer, tu verras. On ira tous en enfer, tu verras. Tu verras quelque chose, au moins. Peace Forever. bienvenue en enfer. L'enfer, c'est ici, c'est maintenant, pour toujours. Bienvenue en enfer. L'enfer, c'est maintenant. C'est la fête. Faites la fête. Vite, avant que vous soyez mort. Vite, dépêchez-vous, faites la fête, vite. Défoncez-vous la gueule, je sais pas, faites quelque chose. C'est la fête. C'est la fête. C'est vendredi soir, on sort et c'est la fête. Oui. J'y crois à mort. Faites la fête, bourrez-vous la gueule. Faites la fête. À la mort. Jusqu'au bout. Tous à la morgue. Tous à la morgue. Morgue. die together, together, die together. Death, yeah, death, let's all die. I want to die, repeat after me. I want to die. Repeat, repeat. I want to die. I wish for death. Let's all die together. Patients du centre d'adaptation, Et sans du centre d'adaptation. Une bonne matraque dans le fion, ça fait ressortir les tripes par la bouche. Uh Alors c'est l'histoire du chef Barbiturax contre... Thank you. nuisance, c'est fini.